Conférencier, inaugural, qui est un ex-nantérois, mais un sartrien de cœur, je crois, et qui est Emmanuel Barrault, et qui enseigne à l'université Toulouse-le-Mirail, et qui est rattaché au laboratoire du CRHI, et qui nous propose une conférence qui s'appelle « Entre Marx et l'URSS, Sartre ben. ». Ben, je te donne la parole. Ben, merci beaucoup Claire, et puis ben, bonjour à tous. Et comme le titre de la rencontre « Situation de Sartre au pluriel » était assez évocateur, moi je vais m'intéresser donc pour lancer les hostilités à la situation très particulière dans laquelle Sartre s'est trouvé et qu'il s'est efforcé de... d'instruire et de construire et de penser sa situation entre Marx et l'URSS, une situation dans laquelle il n'a cessé de se mouvoir à partir du sortir de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 70, quoi, en gros. L'URSS, comme pour à peu près tout le monde, a constitué pour lui d'abord une toile de fond, un horizon historique assez extérieur, jusqu'à à peu près à 1946, au moment où l'URSS commence pour lui de constituer un problème à la fois politique et un problème théorique. Qu'il se soit fait le compagnon de route, l'allié des communistes français de 52 à 56, n'a pas fait disparaître le problème. Et c'est la persistance et l'évolution du problème de l'URSS qui a accompagné son rapport à l'URSS, c'est évidemment du même mouvement son rapport à Marx, un rapport à Marx qui s'est approfondi, qui s'est cherché et qui s'est resserré progressivement. Et au moment de la rupture avec les communistes en 56, il y a c'est une rupture qui va conduire ce rapport double à Marx et à l'URSS à prendre une ampleur nouvelle. L'URSS, le fait des socialismes réalisés, devient le motif déterminant d'un retour théorique systématisé à Marx, ce retour qui prendra la forme de la critique de la raison dialectique, rédigée dans les années 56, 57, 58, enfin surtout 57, 59, dont le premier volume sortira en 1960, et dont le second, lui, sera publié qu'à titre posthume en 1985. Dans Le fantôme de Staline, ce très long texte qu'il écrit à la fin de 56, dans la foulée de la répression de l'insurrection hongroise, Sartre écrit la chose suivante. Marx se serait moqué de ces ânes pompeux qui prennent la lutte des classes pour une idée platonicienne ou qui la font intervenir comme un deus ex machina. Même la connaissance des faits antérieurs et des structures de la société nouvelle ne peut qu'illuminer imparfaitement un processus qui a sa propre histoire et au cours duquel les rapports n'ont cessé d'évoluer. Ce qu'il faudrait montrer, ce sont les contradictions réelles de l'insurrection hongroise et les relations mouvantes qui s'établissent entre les classes. Essayons. Le fantôme de Staline réalise cette tentative, comprendre l'insurrection hongroise. Eh bien, ce qu'il tente sur l'insurrection hongroise dans ce texte, c'est ce qu'il va tenter, sur une plus grande échelle, de faire sur l'URSS dans le deuxième volume de la critique de la raison dialectique, dont la plus grande partie est consacrée à une étude historique de la société soviétique. Il me semble que c'est dans ce texte et au travers de cette étude de l'URSS du deuxième volume de la CRD que cette CRD se révèle bien être cet ouvrage écrit contre les communistes tout en étant marxiste, formule qu'il prononcera dans son autoportrait à 70 ans et qui est publié dans le volume 10 des Situations. Dans CRD 2, désolé pour le sigle mais ça fait gagner du temps, l'URSS joue un double rôle. C'est d'abord celui d'un exemple qui est pris parmi d'autres exemples pour éprouver, pour affermir la méthode régressive progressive dont il a donné les grands axes dans Question de méthode. La méthode régressive progressive, c'est en gros, la méthode au travers de laquelle la raison historique et la raison connaissante dans les sciences sociales et dans le cadre d'une anthropologie structurale et historique, eh bien, se fait rationalité dialectique. De ce point de vue-là, je cite, Sartre ne considère pas pour lui-même, mais pour sa valeur d'enseignement, le cas de l'URSS. Mais comme la critique de la raison dialectique et le déploiement de la méthode régressive progressive se fait sous le patronage de Marx, alors l'étude qu'il fait de l'URSS dans CRD2 s'apparente à une, au sens large, une étude marxiste de la société soviétique. Ça, c'est le premier aspect. Mais en réalité, l'URSS n'est pas simplement un exemple ou une occasion parmi tant d'autres d'éprouver la méthode progressive-régressive. CRD2 constitue l'URSS comme un objet de connaissance privilégié dont il veut montrer la chose suivante. L'URSS n'est pas simplement une déviation, une réalisation qui a échoué du marxisme ou du communisme. Sa thèse est plus précise. Il veut montrer que l'URSS a constitué un devenir historique effectif au sens fort du terme. Où il dit aussi, l'URSS a constitué une historialisation spécifique du marxisme. Bref, avec l'URSS, le marxisme s'est réalisé sous une forme évidemment contradictoire et problématique, et il faut donc comprendre le mouvement de cette réalisation, de cette incarnation. Autrement dit, l'URSS, c'est une certaine histoire du marxisme en tant que corps doctrinaire et stratégique, corps de doctrine qui s'est fait chair dans l'histoire. Ça, c'est le second aspect. Autrement dit, la critique de la raison dialectique, ni plus ni moins, s'efforce de faire du marxisme l'instrument de la compréhension de son propre devenir historique. C'est cette situation théorique spécifique que la formule entre Marx et l'URSS s'efforce d'indiquer. Autrement dit, il y a deux mouvements qui se conjoignent dans l'unité de la critique de la raison dialectique. Et ce double mouvement, en réalité, correspond à une double critique, ou plus exactement, une critique double. Alors, très rapidement d'abord, un petit préalable sur l'idée même de critique, qui est au cœur de l'œuvre. Toute opération de critique est conditionnée par une position au moins relative d'extériorité ou de distance à l'égard de l'objet qui est examiné. Or, chez Sartre, cette extériorité relative, cette distance à partir de laquelle on peut comprendre et connaître un objet, on le sait, cette distance ne peut jamais être la distance qui serait celle d'une position de surplomb, d'une extériorité absolue. C'est un leitmotiv de toute l'œuvre de Sartre, qui est notamment hérité de son ancrage dans la phénoménologie, c'est le refus d'une position de surplomb. On le voit évidemment, toute sa pratique littéraire est dominée par le refus d'une forme quelconque d'omniscience. Toute la question de Sartre dans la critique, c'est donc de pouvoir élaborer une position spécifique d'extériorité qui ne soit pas une position d'extériorité transcendante. Toute la critique de la raison dialectique, et en particulier son introduction, est donc dominée par un souci d'explicitation, de mise en situation épistémologique de son propre propos. Un propos dont le label qu'il donne, c'est celui d'une expérience critique. Le terme d'expérience manifeste bien cet ancrage, cette immanence dans les objets qui sont abordés. Bref, le souci épistémologique de Sartre, c'est de montrer que toute opération de connaissance, toute opération critique est irrémédiablement conditionnée, irrémédiablement située. Et cette situation, c'est-à-dire cette conscience du caractère historique, cette conscience de l'historicité de la théorie, elle doit être thématisée comme telle et questionnée par rapport au projet de connaissance. Je cite le début du volume 1. L'expérience critique, ne peut avoir lieu dans notre histoire avant que l'idéalisme stalinien ait sclérosé à la fois les pratiques et les méthodes épistémologiques. Aussi, lorsque nous découvrons que n'importe qui peut réaliser l'expérience critique, cela ne signifie pas que l'époque de cette entreprise soit indéterminée. Il s'agit de n'importe qui aujourd'hui. Bref, la critique de la raison dialectique est une opération théorique qui est historiquement située, qui n'aurait pas eu de sens 50 ans ou un siècle avant, mais qui est devenue nécessaire justement à cause de ce fait de l'URSS, c'est-à-dire cette immense contradiction à l'échelle d'une moitié de la planète, finalement. C'est en ce sens-là que la critique de la raison dialectique est une critique double. C'est une critique externe, d'abord, pour reprendre des distinctions catégorielles assez, assez schématiques. Hein. C'est une critique externe. Un siècle après Marx, le marxisme s'est arrêté, selon une formule connue, il s'est perdu, il s'est aliéné théoriquement et pratiquement, sous le visage, au plan théorique, de l'orthodoxie du diamat, du matérialisme dialectique des partis communistes dominants. Mais c'est pas simplement sur le plan théorique et idéologique qu'il s'est sclérosé, c'est évidemment sous la figure du socialisme dans un seul pays et de la terreur stalinienne. Critique externe donc. Or, cette première critique est menée du point de vue du marxisme inaugural. Autrement dit, le marxisme de Marx, bon, il faut s'entendre sur la formule, c'est à questionner, etc., je passe vite là-dessus. Le marxisme inaugural joue le rôle de point de vue extérieur à partir duquel la critique de l'URSS va être menée. Ça, c'est le premier aspect. En même temps, le second aspect, cette critique externe de l'URSS, dans la mesure où elle défend la thèse, où elle élabore la thèse selon laquelle l'URSS est bien une aliénation historique du marxisme inaugural, bref, que l'URSS est bien son aliénation au marxisme inaugural, alors ça veut dire qu'il faut questionner le lien d'intériorité historique qui relie le Marx du début, le marxisme inaugural et l'URSS. Et c'est à ce moment-là que le fait même de l'URSS devient le point de vue à partir duquel la critique de Marx peut être menée. Autrement dit, Marx et l'URSS constituent respectivement les deux points de vue relativement extérieurs à partir desquels la critique de l'autre est menée. Et toute la critique de la raison dialectique opère un rapport tournant, en quelque sorte, entre ces deux points de vue. Bon. L'enjeu, il est majeur. Il est de comprendre la nature de cette relation d'intériorité historique qu'il identifie au moins de façon programmatique entre Marx et l'URSS. Et pour comprendre cette logique-là, on peut revenir à Marx lui-même. En 1843-1844... En particulier dans l'introduction à la critique du droit politique hegélien, Marx a une formule très connue qui est la suivante. La théorie, quand elle s'empare des masses, devient une force matérielle. Or, la théorie, les idées, les valeurs se transforment toujours lorsqu'elles se matérialisent, lorsqu'elles deviennent des actes qui sont accomplis dans des circonstances concrètes, lorsqu'elles deviennent des formes de société. C'est bien pourquoi Marx, du reste, n'a jamais produit de théorie systématique du communisme, puisque par définition, le communisme n'est pas un idéal abstrait, mais c'est un mouvement qui se transforme au fur et à mesure de sa propre réalisation. C'est ce que Sartre, à mon sens, bien saisi et bien repris de Marx, c'est cette conscience de la complexité des modes de réalisation de la théorie dans l'histoire. L'enjeu en termes épistémologiques, l'un des enjeux épistémologiques, est le fait que pour comprendre effectivement ce qui s'est passé en URSS et pour comprendre effectivement l'URSS, il faut en tout cas définitivement arrêter de poser le problème dans les termes de la catégorie d'application, droite ou déviante. catégorie d'applications qui permet de dire que l'URSS, par exemple, serait une application déviante d'une théorie qui serait restée, elle, pure de tout problème. Et en même temps, refus qui permet de récuser la position selon laquelle l'URSS serait une application droite ou conforme de la théorie de Marx, position qui, elle, permet d'assimiler barbarie, marxisme, stalinisme, communisme, terreur, et de balancer tout ça dans les poubelles de l'histoire. Bon. En résumé, et j'en ai terminé avec ce préalable épistémologique, ce que fait Sartre avec la critique de la raison dialectique, c'est soumettre Marx à Marx par la médiation du marxisme réalisé sur la base d'une relation d'intériorité historique que toute la CRD2 va s'efforcer d'exposer. CRD2 fournit dans les premières sections En fait, CRD2 poursuit l'entreprise menée dans le premier volume de clarification conceptuelle et en particulier clarifie 3 ou 4 gros concepts qui vont lui servir à cadrer méthodologiquement son étude de l'URSS. Les 3 premiers concepts sont les concepts clés pour lui de la dialectique. C'est le concept de totalisation, le concept de particularisation et évidemment le concept de contradiction. Sur cette base, dans ce cadre-là, Sartre rappelle le présupposé théorique du marxisme, c'est-à-dire le présupposé à partir duquel on peut parler de contradiction. Pour qu'il y ait contradiction, c'est-à-dire relation entre des contradictoires, eh bien, ceux-ci doivent se découper comme l'expression d'une unité plus fondamentale, mais d'une unité qui se scinde. Le concept, par exemple, de réciprocité d'antagonisme, qui est transversal dans l'œuvre de Sartre, c'est-à-dire de conflit, à proprement parler, eh bien, la réciprocité d'antagonisme, c'est la vie réelle d'une contradiction, et la contradiction, eh bien, c'est ce processus par lequel une unité se retourne d'elle-même contre elle-même, se scinde, se déchire. Bref, le présupposé théorique du marxisme, c'est le présupposé de la totalité. Pour qu'il y ait des contradictions, il faut que le monde soit un. Alors, tout le propos de Sartre, c'est de dire, ben voilà, Marx avait ce présupposé, et Marx a parfaitement raison si l'histoire est effectivement une totalisation. Par contre, il faut établir que c'est une totalisation. Or, en même temps, cette nécessité, enfin, on ne peut pas démontrer que l'histoire est totalisation. C'est une hypothèse qui ne peut pas rester autre chose qu'une hypothèse, mais dont la validité doit pouvoir s'éprouver au plan théorique et au plan politique par les implications qu'elle permet de dérouler. Bon, le caractère circulaire de la critique de la raison dialectique, là, est assez majeur. Le second concept, c'est celui de particularisation. C'est en fait un avatar de l'idée d'universel singulier. C'est une idée qu'il développe assez clairement, notamment dans Question de méthode, sur le concept d'événement. N'importe quel conflit, n'importe quel événement, dit-il, est une particularisation de cette totalité en mouvement qu'est l'histoire. Mais la particularisation, elle s'opère sur le mode de l'universel singulier, c'est-à-dire sur le mode de l'incarnation. Et la catégorie d'incarnation est une catégorie à la fois, on pourrait dire spéculative, et à la fois une catégorie méthodologique. Si un événement, un conflit quel qu'il soit, est l'incarnation du mouvement de l'histoire ou de la société dans laquelle elle prend place, eh bien, dit Sartre, c'est au sens où cet événement, ce conflit particulier, est toute l'histoire ou toute la société vue sous un angle particulier. Autrement dit, étudier un événement particulier, étudier un conflit particulier, c'est se donner les moyens d'accéder à la compréhension de toute la société ou toute l'histoire. Méthodologiquement, le début de la critique de la raison dialectique, volume 2, débute l'étude historique de la société soviétique au travers du conflit entre Trotsky et Staline. Trotsky et Staline, donc, c'est le conflit particulier qui va permettre à Sartre de progresser aux contradictions de l'URSS tout entière. Trotsky et Staline ne sont pas pris pour des individus, comment dire, pour des personnes. Ils sont pris, en ce sens-là, comme des individus communs. C'est le concept que forge Sartre, le concept d'individu commun, c'est-à-dire des individus qui récapitulent en eux l'ensemble des contradictions dont ils traitent par ailleurs. Alors, dans le fantôme de Staline, il avait déjà initié ce type d'approche. La personnalisation autoritaire du pouvoir soviétique n'est pas le fruit simplement d'une idiosyncrasie individuelle qui serait celle d'un individu Staline qui serait, je sais pas, un super gros névropathe, etc., etc., pour le dire vite. La personnalisation autoritaire du pouvoir en URSS tient à ce que Staline s'est fait individu commun, à incarner, au sens propre du concept d'incarnation, à incarner la société qu'il dirige, à condenser en lui-même toutes les contradictions, et s'est constitué comme autoritaire pour éviter que ces contradictions n'explosent. Bref, il est devenu lui-même l'URSS dans sa pratique politique. Et c'est ça qui explique, pour Sartre, le culte de la personnalité dans son fondement même. Le culte de la personnalité, c'est pas simplement une entreprise de propagande. C'est parce que Staline a été vraiment l'URSS incarné. Lequel, pour des raisons extrêmement complexes, extrêmement variées, bien, toute une partie du peuple russe s'est aussi reconnue. Cette reconnaissance est évidemment un des problèmes qu'il s'efforce d'examiner dans le bouquin. Alors, au plan idéologique, l'ensemble des contradictions de la société soviétique se concentrent dans la formule à la fois théorique, idéologique et politique du socialisme dans un seul pays. Le socialisme dans un seul pays, c'est un véritable monstre idéologique, hein, c'est une formule de Sartre. Mais c'est un monstre qui est compréhensible. Il est compréhensible comme cristallisation d'une contre-finalité qui se produit à l'échelle de toute la société. Pour l'essentiel, dit Sartre, saisir la vérité du socialisme dans un seul pays, c'est le voir non pas simplement comme l'expression d'une réalité subie ou d'un pur et simple accident de l'histoire, c'est de voir que le socialisme dans un seul pays, c'est l'idée de la révolution en train de se faire qui se constitue au travers de ces déviations sous la pression de circonstances non maîtrisées. C'est l'idée ici du socialisme dans un seul pays comme objectivation aliénée du marxisme, pour reprendre les deux catégories clés, enfin deux des catégories clés du premier volume. Alors je cite: la misère russe en 1924, l'absence de cadre, c'est la révolution elle-même en marche. En prenant le pouvoir, Lénine sait ce qu'il fait, le parti bolchevique le sait aussi. La praxis se constitue en tant qu'elle doit passer par ce trou d'aiguille pour le dépasser. Bien, en tentant de passer par ce trou d'aiguille, 1917 va marquer pour Sartre une acclimatation, une particularisation du marxisme. Avant 17, qu'est-ce que c'est que le marxisme ? Eh bien, c'est une théorie et une doctrine stratégique. À partir de 17, le marxisme doit alors, je cite, « guider la praxis révolutionnaire dans un pays féodal où le prolétariat ne représente presque rien et où les masses agricoles constituent la presque totalité de la population. » À partir de 17, il devient, je cite, « la base de la culture des masses. » Or, ces masses, c'est avant tout un peuple paysan dans son immense majorité, et dont les ouvriers eux-mêmes sont des ruraux fraîchement urbanisés. Bref, tous ces individus, dit Sartre, transforment le marxisme à mesure qu'il les pénètre. Le marxisme s'incarne en devenant culture populaire et nationale. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont Sartre conceptualise ce processus. Je cite « L'inversion première est là. L'universalité incarnée, donc singularisée, devient la vérité de l'universel abstrait. L'immense transformation historique de cette société produisait en elle la transformation du marxisme, dans la mesure où elle l'entraînait à devenir l'idéologie de cette transformation. L'universel, celui de la doctrine et de la stratégie, subordonné à la singularité et contenu en elle, la situation russe, dirigé et transformé au gré des transformations de cette histoire singulière, c'est, dit-il, sur le plan théorique et culturel, la réalité objective du slogan « le socialisme dans un seul pays ». Et le résultat, c'est une scission réelle, une scission objective du marxisme entre, je cite, « deux universalités particulières ». Celle des mouvements révolutionnaires de l'Occident, qui devient une universalité abstraite, théoriquement vraie par rapport au corps de doctrine de Marx, mais abstraite, et c'est la figure de Trotsky qui l'incarne. De l'autre, c'est la réalité du marxisme russe, c'est-à-dire d'une aliénation du marxisme à l'histoire de l'URSS, dans la mesure même où ce marxisme s'objective en elle. Le conflit Trotsky-Staline, c'est-à-dire plus largement le conflit entre la 3e puis la 4e internationale, c'est l'incarnation d'une contradiction interne, mais d'une contradiction réelle du marxisme sous le poids d'une histoire qui ne s'est pas produite là où on l'attendait. Elle était censée se produire en Angleterre ou en Allemagne. C'est en URSS, le maillon faible, qu'elle explose. Bon. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de reformuler cette thèse-là par rapport à ces catégories d'objectivation et d'aliénation qui sont dans au cœur du tome 1. Et que Marx formule, que Sartre formule à partir de tout simplement de la praxis. La praxis, pour satisfaire ses besoins, s'objective. Elle constitue son champ pratique comme son champ, mais simultanément se perd en elle. C'est tout le régime du pratico-inerte. Donc toute objectivation tend à revenir à la praxis, c'est-à-dire à son auteur, sous la forme de déviation, ou au travers de déviation de contre-finalité, c'est-à-dire sous une forme autre que ce qui est prévu, c'est-à-dire sous une forme aliénée. Eh bien, l'URSS est bien une telle objectivation du marxisme sur le plan de l'histoire, mais d'une objectivation aliénée, c'est-à-dire qui revient à lui-même sous la figure d'une altérité qui prend la forme, concrètement, d'un échec. Autrement dit, l'URSS pour Sartre, et c'est une thèse en fait qui est assez forte, et qui l'a opposée notamment pas mal à socialisme ou barbarie, à Lefort, à Castoriadis, à d'autres, il y a eu pas mal de polémiques avec Merleau, enfin, de discussions et de polémiques avec Merleau-Ponty sur ces questions-là, bon, sans parler de toutes les discussions qui seront ultérieures. L'URSS pour Sartre, c'est bien la révolution en marche. Au sens où l'URSS est bien une objectivation historique du marxisme. Mais cette révolution est une révolution trahie. Et Sartre se réfère dans la CRD2, c'est une des rares références qu'il cite, au texte de Trotsky de 1936, la révolution trahie. Autrement dit, c'est bien la révolution, mais en tant que trahie, c'est bien une objectivation qui est une aliénation. Cette objectivation aliénée, eh bien, le socialisme dans un seul pays en est l'expression idéologique monstrueuse, donc, avec les guillemets. Slogan difforme, dit Sartre, parce qu'il représentait au niveau des dirigeants le produit d'activités contraires. Alors, il y a beaucoup de débats qui peuvent se greffer sur cette thèse. Certains, bon nombre de théoriciens ont défendu l'idée selon laquelle, dès le début, l'URSS est déjà une perversion, c'est-à-dire une rupture totale avec la doctrine théorique et stratégique de Marx, même de Lénine, ou en tout cas d'une partie des textes de Lénine, etc. À l'opposé, d'autres, au contraire, ont dit que non, comme je l'évoquais, le totalitarisme stalinien est déjà écrit chez Marx, etc. Évidemment, toute la question, c'est celui de la nature du processus historique tel qu'il s'est produit en URSS, et c'est le problème du statut et de la nature de l'URSS tout court. Est-ce un État ouvrier, aussi dégénéré soit-il? Est-ce un capitalisme d'État, comme le défendront Castoriadis, Lefort et d'autres? Bref, autant de débats qui non seulement se sont posés au plan théorique, mais qui ont aussi polarisé bon nombre de combats et de débats au sein du mouvement ouvrier, des organisations politiques, des organisations militantes. Bah, depuis la période, les débats ne sont toujours pas clos sur cette question-là. Bon. Un indice de la complexité de ce problème chez Sartre, c'est sur le statut de la bureaucratie. La bureaucratie est-elle une classe ou n'est-elle qu'une caste ou qu'une couche dirigeante? Bah, si elle est une classe, c'est peut-être parce que l'URSS est un capitalisme d'État. Si elle n'est pas une classe, mais qu'elle est qu'une couche, évidemment, la question, c'est pas de dénier tout ce qui s'est produit en URSS, mais la question, c'est pas de s'entendre sur les faits, c'est de comprendre le processus dont ces faits ne sont que l'écume. Dit autrement, les faits ne parlent jamais d'eux-mêmes. Il faut les penser, ces faits. Alors surtout, tu me coupes si je commence à déborder, parce que je sais pas comment... Reste 7 minutes. D'accord. Ah bah donc, je vais aller très vite. Voilà. Je vais me concentrer sur un enjeu. Pour Sartre, même à l'apogée de la terreur, les bases collectivistes, c'est-à-dire l'abolition de la propriété privée des moyens de production, les bases collectivistes de la socialisation sont là. Évidemment, il sait que socialisme et communisme sont deux concepts différents, que c'est d'ailleurs très complexe au sein du mouvement théorique à partir de Marx. Il sait parfaitement que la question de la révolution ne saurait se réduire à une question simplement économique, etc. Il sait tout ça. Il n'empêche que pour lui, même à l'apogée de la terreur, l'URSS n'est plus un État crypto-capitaliste sous une forme, sous une autre. Ce sur quoi il se concentre, c'est donc sur le fait historique nouveau, qui est la séparation radicale de l'appropriation collective des moyens de production, c'est-à-dire la propriété collective des moyens de production, et le fait que la direction ou la gestion de ces moyens de production n'est pas du tout, pour autant, l'objet d'un véritable contrôle collectif ou démocratique. Bref, que les ouvriers sont parfaitement dépossédés de tout pouvoir de contrôle sur cette production, dont ils sont censés pourtant être, en tant que classe, les propriétaires. Donc là, une question classique, mais à la fois incontournable, pour les historiens, c'est l'origine de cette séparation. Séparation qui est parfaitement antinomique avec l'idée de démocratie prolétarienne. Cette séparation, Sartre la formule comme un renversement. C'est le concept de renversement ici qui m'intéresse. C'est un renversement donc et une contradiction. Mais voici comment donc il en dégage l'enjeu. Le renversement pratique du marxisme s'opère en ceci, il n'y a pas de T, pardon, que le politique affirme sa prédominance sur l'économique, que la gestion des moyens de production se fait par en haut, de façon pyramidale, sous la forme d'une planification autoritaire, centralisée, qui est menée par des politiques. Bon. Alors, parler de prédominance du politique sur l'économique, c'est un leitmotiv depuis depuis le passage du 19e au 20e siècle. La transformation même du capitalisme et de la société au plan mondial a été caractérisée à partir de ce moment-là par une immixtion croissante des États dans la gestion des économies, que ce soit dans les pays socialistes ou communistes réalisés, ou que ce soit dans les pays capitalistes classiques. Bon. Ça, c'est un premier aspect. Mais surtout, ce qui est important pour Sartre, c'est le suivant. Un des grands thèmes de la théorie politique ou de la philosophie politique depuis un bon demi-siècle, cette prédominance du politique sur l'économique, eh bien, c'est un des arguments transversaux qui sont censés invalider la position marxiste. Tout simplement parce que un positionnement marxiste consiste... peut se résumer dans l'idée que le politique est gouverné par l'économique. L'enjeu est majeur, au sens où, si le politique prédomine sur l'économique, et s'il y a domination, c'est que l'origine de la domination est politique, et qu'elle n'est donc pas économique. C'est sur le terrain de l'anthropologie de l'État, il y a un croisement qui me semble très intéressant à mener ici, c'est celui entre Sartre et Pierre Clastres. Pour la raison suivante. Pierre Clastres, dont l'influence sur Deleuze, dans Mille Plateaux en particulier, est assez fameuse. Bon. La thèse de Clastres est radicale. L'origine de la domination, c'est la division gouvernant-gouvernée. C'est la matrice cette division est la matrice de la domination de l'État, avec une majuscule, sur la société, qui est donc une société contre l'État, selon la formule. Et justement, à l'appui de sa thèse, Clastres prend comme argument l'URSS. L'URSS a aboli la propriété privée des moyens de production. Officiellement, il n'y a donc plus d'exploitation du travail par le capital. Et pourtant, il y a de la domination. Ça veut donc dire que la lutte des classes et l'opposition de classe et l'exploitation du travail par le capital n'est pas le fondement de la domination. Ça veut dire que les conditions matérielles ne sont pas déterminantes pour comprendre les difficultés du politique. Donc ça veut dire que les marxistes ont tort, c'est QFD. C'est une position, c'est une position représentative qui est absolument dominante depuis 30 ans, celle-ci. Hein. On la trouve jusqu'à Étienne Balibar aujourd'hui, on la trouve chez Miguel Abensur dans sa lecture de Marx, on la trouve chez Lefort et chez Castoriadis, on l'a trouvée aussi chez Raymond Aron et Hannah Arendt, etc. Bon. Sartre s'opposerait vigoureusement à cette idée selon laquelle l'État serait la source de la domination ou que la forme État serait la matrice la domination. Quand Sartre cherche à comprendre le renversement du marxisme, c'est-à-dire quand il cherche à comprendre la subordination de l'économique aux politiques comme un renversement, c'est justement qu'il s'efforce de comprendre la division entre gouvernant et gouverné, non pas comme un absolu, mais au contraire comme un produit de circonstances matérielles dont il s'attache à restituer dans tout le reste de l'œuvre les grands moments à partir de 1917. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, c'est des éléments qui sont notamment étudiés par les historiens, Marc Ferraud, Moshe Levin, etc. C'est-à-dire que les éléments proprement historiques sur le processus de 17 qui mène à la constitution de la bureaucratie, bon, ça, ce sont des éléments que Sartre reprend et qui sont corroborés par les travaux des historiens disponibles pour l'instant. Donc vous voyez, l'idée elle est importante ici. La terreur stalinienne et l'aliénation historique du marxisme de l'URSS a bien pour fondement une coupure entre les dirigeants les masses. Simplement, cette coupure elle-même n'est pas inscrite ni dans le concept dialectique de communisme, ni dans le concept de révolution prolétarienne, mais dans la situation soviétique, qui évidemment se répétera dans d'autres, révolution chinoise, etc., etc., cette scission, elle est elle-même un produit de circonstances matérielles. Autrement dit, le renversement qui s'est produit en URSS n'est pas de nature à invalider la thèse marxiste du primat des conditions matérielles. Au contraire, c'est seulement du point de vue d'un point de vue matérialiste pour Sartre qu'on peut comprendre le renversement historique qui conduit à croire qu'une position matérialiste est erronée. C'est ça toute l'entreprise qu'il essaye de mener dans la CRD2. Alors, tu as un mot de conclusion. En faisant ça, Sartre n'est pas le seul à avoir ce genre de propos. Hein. Il n'est pas le seul. Il s'insère dans une tradition théorique qui donc consiste à faire du marxisme l'outil de compréhension de sa propre histoire. Et l'un des premiers à avoir clarifié cette nécessité, c'est Karl Korsch, dès 1923, dans Marxisme et philosophie. La question des phases successives de développement que le marxisme parcourues nécessite une interprétation historico-matérialiste de la théorie marxiste. Il dit ça en 1923. De même, un certain nombre d'historiens se sont positionnés d'une façon comparable. Il y a un travail, me semble-t-il, un travail qui pourrait être mené collectivement de constitution de cette tradition théorique, parce que du point de vue de la méthode et de la connaissance historique, il y a là des choses qui méritent d'être sorties, des tiroirs. Et ça pourrait se traduire par un premier travail qui serait d'essayer d'identifier la diversité des sources que Sartre utilise quand il parle de l'URSS. Vous savez que Sartre cite jamais de qui il parle, hein, où il pompe allègrement, où il se saisit des trucs, il les tord dans tous les sens. Bon, il y a un travail de décryptage à effectuer qui, et je m'arrêterai sur ça, qui a été effectué depuis ces dernières années, à l'occasion de l'ensemble des travaux sur ce, et des manuscrits de Sartre sur 1789. Beaucoup de manuscrits viennent juste d'être, enfin plusieurs manuscrits viennent juste d'être publiés de Sartre sur 1789 et un collectif composé notamment d'historiens s'est attaché à évaluer ces textes, à identifier ces sources, etc. Je pense que là il y a un travail à mener qui est notamment qui fait l'objet notamment de quelques éléments dans un ouvrage collectif qui va sortir en septembre à la Dispute, pour lequel je ferai autant de pubs qu'il faut au cours de ces trois jours, et qui s'intitule « Sartre et le marxisme » et qui contient 17 contributions portant entre autres sur ces questions-là. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Ça. On a un quart d'heure de discussion. Bien sûr, j'ai des questions, mais je voudrais d'abord donner la parole à la salle, parce que vous avez déjà... Oui. Ouais, donc j'ai une question. Ce que tu dis, le rapport entre Grolius et le marxisme, on a presque l'impression que Grolius est le pratiquant inerte des marxistes russes de 1917. Et alors j'aimerais savoir comment tu penses, non pas le rapport, on pourrait dire, des conséquences bureaucratiques staliniennes qui sont arrivées par rapport à l'événement de 17 qui sont très bien expliqués. Est très facilement intégrable dans ton explication, mais comment tu pourrais intégrer ce qui, dans une bureaucratie stalinienne, est un produit de la survivance du tsarisme. Il y a beaucoup d'éléments, quand ça c'est l'historien comme Marc Ferraud, etc., le montre, que beaucoup d'éléments, la militarisation de la société, les services secrets du présent, le Krana, etc., même les camps, existent déjà avant la révolution russe, n'ont pas été inventés par les bolcheviks, etc., etc. Alors, est-ce que selon toi, ce phénomène-là est totalement intégrable à la lecture sartrienne de l'histoire russe ou pas ? Je réponds tout de suite. Ouais. Très certainement, alors ça c'est pas simplement Sartre, mais tous les historiens le disent, il y a, comment dire, Sartre parle de la profondeur historique de la situation russe, qui évidemment. Qui est encore sous le joug du pratico-inerte culturel et politique, religieux du tsarisme. Un certain nombre de traits de la bureaucratisation soviétique de la révolution de 17 sont. C'est pas simplement. Enfin, on peut le dire en termes de survivance, mais sont effectivement directement liés aux structures sociales, aux habitus idéologiques qui sont issus de l'Empire tsariste. Ça, c'est tout à fait certain. Il les évoque, il en évoque certains autres. Et quand il dit qu'avec 17, le marxisme va s'acclimater à une tradition et devenir une culture nationale, il explique bien à plusieurs passages que cette culture nationale est une culture, évidemment, qui est traversée par des déterminants directement issus du tsarisme. Et c'est tout à fait juste. Mais c'est... pour comprendre la situation soviétique particulièrement, c'est un élément incontournable. Mais je pense qu'il faut aussi se décaler de cette... parce que le problème de la bureaucratisation s'est pas simplement posé en URSS, il s'est posé sous d'autres formes en Chine, il s'est posé sous d'autres formes à Cuba et dans toutes les... De même que ce phénomène de la bureaucratisation, alors le concept est très complexe en plus, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre derrière... On entend toujours par bureaucratie quelque chose de monolithique, on en parle toujours au singulier, alors qu'en fait ce qu'on entend par bureaucratie c'est un enchevêtrement d'appareils syndicaux, politiques, policiers, gestionnaires, c'est très complexe cette question de la bureaucratie, mais en tout cas cette complexité on la voit aussi dans les régimes fascistes. C'est exact, mais on la voit aussi dans les pays capitalistes. Les études sur la bureaucratisation sont bien antérieures. Plus d'un chapitre entier du 18 Brumaire de Marx déjà en 1851-1852, ça va occuper Tocqueville. C'est-à-dire qu'il y a un problème lié à la bureaucratisation, il y a un problème, je dirais, qui ne se réduit pas à des survivances d'éléments porteurs de ce genre d'ossification, il y a un problème fondamental qui est partagé au 19e et au 20e. Voilà. Sinon, pour parler du Durs comme pratico-inerte des marxistes russes, Sartre est évidemment d'accord. Merci. Oui. Ouais. Un point qui m'intéresse sur la critique de la position de surplomb, en fait, comment on pourrait rendre compte de cette critique dans la CRD, enfin, dans un certain sens, la question, c'est comment ça se passe avec le concept d'incarnation parce que j'ai vraiment du mal à saisir ce que ça fait. J'ai l'impression qu'il y a un rapport à Platon qui est à deux niveaux. Qui n'est pas justement reconnu comme une source explicite. Un rapport à Platon. À un moment, c'est lorsqu'il parle de la totalisation par des moyens aliénés, justement, enfin, dans le cadre de l'étude de la radio, etc. Il y a un moment assez étrange, en fait, où il parle de forme. Enfin, il parle d'une sorte de réverbération. Enfin, moi, je trouve que c'est extrêmement obscur et en un certain sens. Comme tu as suggéré, comme tu as montré qu'il y avait cette critique, je voulais savoir si tu pouvais un peu en dire plus sur cette critique de la position de surplomb. Alors, je vais éviter le passage par Platon et le passage par le truc que tu évoques parce que c'est. Ça complique encore un plus l'affaire. Il a souvent été reproché à Sartre, on a toujours reproché à Sartre que la CRD était un ouvrage illisible, parce qu'il passait son temps à tout dialectiser tout le temps. Bon. Alors, comprendre le refus de la position de surplomb, ça faut le comprendre à partir de là. Sartre refuse que la dialectique puisse être, puisque c'est une critique de la raison dialectique, il refuse que la dialectique puisse faire l'objet d'une énonciation ou d'un exposé qui serait en quelque sorte axiomatique, c'est-à-dire dont le point de vue serait figé ou indéterminé. Autrement dit, les conditions même d'exposition de ce qu'est la dialectique sont elles-mêmes dialectiques. Autrement dit, il faut dialectiser sa propre position. Sinon, l'exposé de la dialectique devient lui-même un exposé dogmatique, donc antidialectique, et c'est ce qu'il reproche notamment aux staliniens, c'est ce qu'il reproche à Engels dans la dialectique de la nature, etc. Le refus de la position de surplomb, c'est l'idée qu'il n'y a aucun point de départ qui puisse être, aucun point de départ, donc aucun point d'arrivée, il n'y a aucun point d'ancrage qui puisse être fixe et qui puisse être permanent, à partir duquel on pourrait construire tout le discours, construire tout le système. Il n'y a pas. Et c'est pour ça qu'il a une formule qui est très intéressante dans Question de méthode. Formule en fait qui est très claire. Il faut bien partir de quelque part. Et il dit le principe méthodologique c'est la conscience, tout simplement. C'est un individu conscient se donne quelque chose à penser. Donc le principe inaugural, c'est un principe, le principe de la réflexivité consciente, qui est un fait. Mais il dit ce principe n'est un principe que méthodologique. L'entreprise de connaissance doit consister à dépasser ce stade de départ, ce point de départ, pour faire avancer le propos, pour le coup, jusqu'au principe réel qui gouverne une connaissance effective, c'est-à-dire jusqu'au principe matériel, c'est-à-dire la totalité des déterminations matérielles de l'objet et de soi-même en tant qu'on est une partie de l'objet. Dit autrement, la critique de la position de surplomb, c'est le fait de refuser une prétendue neutralité extérieure à l'égard de l'objet. Son propos, c'est de comprendre ce qui s'est produit à un certain moment de l'histoire, notamment au plan théorique, mais c'est un moment de l'histoire dans lequel il est complètement pris. C'est un propos qui est daté, qui est situé, et lui, c'est un individu qui est plongé dans son monde, c'est un pour soi jeté dans son monde, donc il ne peut pas faire semblant qu'il ne parle pas d'un point de vue à une période donnée. Je dirais que ce qui résume sur la critique de la position de surplomb, c'est l'idée même de situation. Et c'est pour ça que dans l'autoportrait à 70 ans, il dit, si parmi les quelques textes qui me semblent vraiment importants dans ceux que j'ai écrits, ce sont les situations. Parce que c'est là où mon opération intellectuelle, enfin mon entreprise intellectuelle, elle est la mieux caractérisée. Je ne sais pas si ça... Après, on peut rentrer épistémologiquement plus dans le détail, mais ça, pour l'essentiel, c'est ça. Encore une question où je pose les miennes. Elles sont plus extérieures, parce que c'est un sujet qui m'est moins familier. Elle est double. Dans ces textes sur l'URSS, moi, j'étais frappée. J'avais l'impression que Sartre... se référait presque jamais à tout le courant des textes de retour de l'URSS du milieu des années 30, et je comprenais pas tellement bien pourquoi il en faisait rien, parce que là il y avait un matériau empirique important, je pense, et les textes de Gide et les textes de Nizan, mais il y a toute une tradition d'écriture au milieu des années 30, des gens qui font le grand voyage en URSS. Et puis peut-être ma deuxième question, elle concerne l'instanciation peut-être française de l'URSS, qui est peut-être le parti communiste à la fin des années 40. Et il n'y a pas de spécificité vraiment française du parti par rapport à son analyse de l'URSS. Par exemple, dans sa polémique avec Lefebvre, on n'a pas tellement l'impression, on a l'impression qu'il en fait juste l'instanciation française de l'URSS, mais il n'y a pas vraiment de spécificité française. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu... Je sais pas si... Ma question, elle n'est pas très claire. Il n'y a pas de... je sais pas comment je pourrais dire ça. Disons, dans son analyse du Parti communiste français, on n'a pas l'impression qu'il en fasse un cas spécifique par rapport à son analyse du Parti en URSS. D'accord. Non, est-ce que tu serais d'accord Oui. Oui, c'est juste que les différents partis communistes non soviétiques se sont constitués par apparentement, mais avec plus ou moins de distance, ce qui fait qu'en fait il y a des différences entre le PC français par exemple et le PC italien, ces différences-là ne sont pas de nature pour Sartre. Enfin, les différences sont pas plus importantes que les apparentements avec les autres partis. Voilà, ça c'est clair. D'ailleurs, à ce propos, Sartre a eu pas mal d'échanges et de discussions avec le Parti communiste italien, chose qu'on sait assez peu. Il a notamment fait plusieurs conférences dans les années 60 en Italie, à l'Institut Gramsci de Rome. Et en particulier, il est intervenu lors d'un colloque en 1961 qui regorge d'éléments intéressants sur la question du marxisme, de la dialectique de la subjectivité, où il débat pendant des heures avec les marxistes italiens, au point qu'il dira « si j'avais été italien, j'aurais été membre ». Pas simplement compagnon, mais membre du Parti communiste italien. Alors, il faut très contextualiser tout ça. Et ce texte-là, pour l'instant, est encore inédit. Il est en train de faire l'objet d'un travail de transcription à des fins de publication par le groupe des études sartriennes qui travaille au sein de l'ITEM en France, Institut des textes et manuscrits modernes. C'est une mine d'informations sur tous les aspects de l'œuvre de Sartre, hein, ça, l'établissement. Il y a toute la localisation de tous les manuscrits consultables de Sartre en France, à l'étranger. Enfin, pour tous ceux qui sont chercheurs sur Sartre, c'est un endroit qui mérite vraiment d'être visité. Bon. Et donc, pour en avoir discuté avec certains membres qui mènent cette enquête, il ressort bien cet aspect-là. C'est que quand il parle aux communistes russes, il se pose, enfin, aux communistes français, il ne considère pas que la France possède une spécificité telle qui devrait conduire à poser le problème du rapport à l'URSS d'une façon différente. Par contre, voilà, là, c'est plus problématique, ça, effectivement. Sartre s'est fait compagnon de route du PC à partir du moment où beaucoup en sortaient, où on était déjà sorti, à cause notamment de ce qui, dans les, de ces retours d'URSS dans les années 30, ces retours et ces désillusions partagées, évoquées par certains. Je pense que c'est pareil que pour le compagnonnage. Là, il en parle peu. En général, Il parle pas trop de ce qui le dérange quand même, ou de ce qui lui pose un peu trop problème, mais surtout il en parle pas tant que pour lui ça fait pas vraiment problème, c'est que ça fait pas problème dans son espace intellectuel. Donc cette question là elle va devenir plus saillante à partir de 56, après la rupture. Mais avant la rupture et pendant le compagnonnage, je veux dire, ça son point de vue est un point de vue dans le... Son point de vue, c'est celui de la guerre froide, c'est celui de camps qui s'opposent et par rapport auquel on ne peut pas rester dans une position moyenne ou extérieure. On est obligé de choisir son camp, c'est sa position. Il faut choisir son camp. Et les deux camps, et puis son camp, voilà, en 52, c'est l'autre. Voilà, c'est... Mais c'est problématique. Mais merci beaucoup, merci Emmanuel.